seul dans une posture étrange, les yeux fixés étonnés, le ciel qui change, la balle qui l'a frappé n'est presque pas visible. On pourrait croire qu'il dort apaisé et paisible. Jamais il ne reverra les rues de son village, ni celle qui so.